Chama-se I Engineer, dos Animotion. Na Liga dos Quarentões de hoje, viagem até fevereiro de 1986. Amanhã há mais uma quarentona para conhecer. Compromisso, cumplicidade, paixão, rádio, Antena 1. Antena 1. Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques à chanter et à danser. C'est Violette en votre compagnie. Nous sommes ensemble de 18h jusqu'à 19h. On a commencé avec un titre déjà un petit peu ancien, la formation Skolvan, et le titre Le Loup pendu. Il y aura un petit peu de tout aujourd'hui dans l'émission. Une émission un peu éclectique avec des choses récentes, des choses plus anciennes. Et dans les choses récentes, il y a la formation Fahrenheit qu'on va retrouver tout de suite avec une valse à 5 temps. Une formation qui sera présente au mois de mars du côté de Chaumont-sur-Tarronne pour le bal du printemps. Voici Un jour pour toi. Est-ce que tu vois comme ce matin le vent se lève sur le chemin, qu'il dit adieu aux gens heureux, après la nuit on est trop vieux. Est-ce que tu sens comme le soleil touche tes cheveux à ton réveil, on est dehors, le vent du nord n'est pas si froid. Je trouve ça très beau, cette jolie valse à 5 temps proposée par la formation Fahrenheit. Je vous ai dit qu'on allait faire des petits voyages comme ça dans le temps après cet extrait du dernier album de Fahrenheit 2025. On remonte en 1991, voilà, ça fait déjà quelques décennies en arrière, avec la formation Ars Nevel et le titre Kimiad Iverzone. Thank you. J'espère que vous avez aimé cette petite touche classique donnée à de la musique bretonne, un groupe qui n'existe plus. Mais voilà, les enregistrements sont là pour qu'on puisse réécouter tous ces bons morceaux. Je vous propose d'aller maintenant du côté de la Belgique, dans les Flandres, avec la formation Spilar et le titre Rosendal. Wie belt er horen een nieuw lied? Kom hier, ik hond u zingen. Het waren drie gezellen van Rosendal die toepen op rooftocht gingen. Opgesteld kwam ze een koopman tegen, leg er maar af, jong koopmans goed, of wil je hier niet meer leven? Klaak ik niet of mijn koopmans goed en ook niet mijn jong leven. Vele zilver en nog meer goed, al dat kun ik je er geven. Als deze beurzen open deed, dus steken aan te blinken, kijkt hier gezellen van Rosendal, hiermee kun je voor jaren drinken. Laat dus de centen delen en aan de koopman even zien goed. We honden het toch niet kelen. Sprak door de noedste van de drie, het is al voor u zien haalt zien goed. Ook met zijn jong leven is het gedaan. We honden hem hier begraven. Met die zak vol geld, een appelroopaard zo dieren. Ze reden op stad naar landen geld. Ze hing door keihoed van vieren. Toen sneuvels vroegen als de dag, weer zijn de boeien slingen. Recht nog schavot met groot beklag. Zijn doren de straf gekregen. Zie dus hier nu zo dopen staan, naar het Haldeveld ons dus brengen. Nooit gaan we er nog naar Rosendal en horen de nachtegaal zingen. Nooit gaan we er nog naar Rosendal en horen de nachtegaal zingen. Très traditionnel sur le 96.2 tous les mercredis de 18h à 19h30. Traditionnel, pas toujours si traditionnel. Il y a quand même beaucoup de compositions. Et puis, on se promène un petit peu dans les musiques à danser et dans les musiques du monde. Et puis, dans des choses parfois un petit peu différentes qu'on n'entend pas sur les autres radios. C'est ici un espace de liberté. Et voilà, je vous propose de retrouver Denis Lefrançois. Vous connaissez forcément sa voix. C'est une des voix de Mes souliers sont rouges. Et à une époque, il a essayé de se lancer en solo. Ça n'a peut-être pas forcément très bien marché. Je vous propose de retrouver un extrait de l'album qu'il avait donc sorti en solo. Ça s'appelle « Danser grolle ». J'aime la danse à deux quand ça balance où ça veut. J'aime la danse dans les yeux, mes deux mains où je peux. J'aime la danse à deux, ça balance où ça veut. J'aime la danse dans les yeux, mes deux mains où je peux. Je t'écrase les pieds, je t'enlace trop bas. Je t'écrase les pieds, et ça, tu n'aimes pas. Pourtant tu souris, tu ris. La valse, ça fait rire. Je vois ta voix, je crois. La danse, ça fait ça. J'aime la danse à deux quand ça balance ou ça veut. J'aime la danse dans les yeux, mes deux mains où je veux. Et je te tiens serré, c'est vrai, ça change des autres fois. Et je te tiens serré, ton mec n'apprécie pas. Pourtant tu souris, tu ris, la combien ça fait rire. Je vois tes seins, c'est ça, la danse ça donne faim. J'aime la danse à deux quand ça balance où ça veut. J'aime la danse dans les yeux, ça balance où ça peut. Font un ballet, ballet, on s'enlace sans draguer. Oups, ta main m'a échappé. La danse fait transpirer, nos mains se serrent encore. C'est ça le corps à corps. Nos mains se serrent encore, c'est ça le corps à corps. J'aime la danse dans les yeux, mes deux mains où je veux. J'aime la danse à deux, ça balance ou ça peut. J'aime la danse à deux, ça balance où ça veut. J'aime la danse dans les yeux, mes deux mains où je veux. C'est là que tu souris, tu ris, le rock'n'roll fait rire. C'est là que tu t'envoles, tu voles, que tous nos pieds décollent. Que tous nos pieds décollent. Que tous nos pieds décollent. La danse à deux c'est drôle, on fait l'amour avec ses grolles. La danse à deux c'est drôle, on fait l'amour avec ses grolles. On fait l'amour avec ses grolles. J'aime la danse à deux quand ça balance ou ça veut. J'aime la danse dans les yeux, mes deux mains où je peux. J'aime la danse à deux. Voilà, c'était Denis Lefrançois avec le titre « Danser grolle ». On retrouve maintenant Guillaume Lopez. Guillaume Lopez, c'est un musicien qui nous vient de la région de Toulouse. Et en 2025, il a sorti différents albums dans des registres très très différents. Il est parti faire un petit tour du côté de l'Argentine pour enregistrer un de ses albums. Voici Guillaume Lopez en compagnie de Marco Grancelli et de Luciano Luna pour le titre Chacarera del Patio. Hey. con en mi pago eso partió de tierra. Du côté de l'Amérique latine avec cette fois-ci le nouvel album de Las Hermanas Caroni, un album qui s'appelle El Espacio del Tiempo, et voilà un extrait de cet album qui est sorti il y a à peine quelques semaines. Para el templo del mar, agua vida, frutos darás, noche tibia, manto de azar, dulce calma, danos la paz. Thank you. veces extraños como la ciudad. Ah, ah, ah. Reina la calma y el Tempo de Agua, c'était le nouveau titre de la Sherman Ashkaroni sur leur tout nouvel album, dont on écoutera bien entendu d'autres extraits prochainement. Je vous propose de retourner à nouveau un petit peu dans le passé avec un album qui s'appelait La Bretagne est mon pays, un album qui regroupe de nombreux titres bien connus bretons, mais avec des versions où on retrouve des musiciens qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la musique bretonne. Il y a par exemple Jane Birkin ou Didier Barbelivien qui interviennent sur cet album. Je vous propose de retrouver la version de Brian Boru que nous propose Alan Stivell en compagnie de Laurent Voulzy. Comme l'air écoute des choses un petit peu surprenantes aujourd'hui, qui sortent un petit peu de l'ordinaire de l'émission. Je vous propose de poursuivre avec une nouveauté, la formation Moher, formation bretonne, mais dont le répertoire est un répertoire plutôt à consonance irlandaise. Voici extrait de leur tout dernier album When Horses Fly, le titre Le Ril du Cheval Blanc. La formation Moher. Thank you. On poursuit avec un style totalement différent, les mécanos, des chanteurs qui proposent a cappella des titres plus ou moins connus. Ils ont fait beaucoup de compositions, mais sur leur premier album, il y avait des titres un peu plus classiques. Je vous propose de retrouver un extrait de leur premier EP. Ça remonte déjà à quelques années. Et il y a un nouveau spectacle en préparation pour cette formation qui nous vient de Saint-Étienne. Voici l'Ivrogne. Si vous voulez que je chante, faites-moi venir du vin. Le vin bannit le chagrin, rend la voix plus éclatante. Si vous voulez que je chante, faites-moi venir du vin. Le vin bannit le chagrin, rend la voix plus éclatante. N'enivrerions-nous pas, il s'enivra bien lui-même. En sortir dessus le sable. Si la mer était du vin, j'en boirais jusqu'à demain. Jusqu'à ce qu'on vit les poissons en sortir dessus le sable. Certainement remarqué les percussions qui accompagnent les voix, et ce sont des percussions effectuées avec des outils puisqu'ils s'appellent les mécanos. On poursuit avec un duo nickel harpa vielle à roue. C'est un duo qui s'appelle Voden et voici le titre Dromaren. Thank you. Là aussi, je trouve que cet assemblage d'instruments, nickel harpa et vielle à roue, eh bien, ça sonne très très bien et ça nous emmène un petit peu dans les contrées nordiques. On va retrouver dans quelques instants les idées de sortie pour ce week-end et les week-ends prochains. Je voulais vous proposer un petit titre de Rémi Geffroy, mais voilà, il n'a pas trop envie de partir. Alors, on va attendre un petit peu, puis je vous le proposerai par la suite. Eh bien, écoutons donc Vent du Nord et le titre La Lettre. Rossignol d'hiver, bocage, passager des amoureux, il m'apporta une lettre de ma charmante maîtresse, mais dans son lit couvert de roses, mais dans son lit couvert de roses, l'oiseau reprit la lettre, au logis d'amour s'en va. S'assoit sur la fenêtre, compose une chanson honnête, et quand la belle se réveilla, et quand la belle se réveilla, quand la belle entendit-elle, oui qu'elle m'entendait chanter, où sont vos amants cruels, c'est fidèle, mais qui ne vous compte que des mensonges, mais qui ne vous compte que des mensonges. Rémi Geffroy sous ma voix pour accompagner ces quelques idées de sortie. Et si vous pensiez aller au bal à Main-sur-Loire ce samedi pour l'écouter et que vous n'avez pas réservé votre place, eh bien c'est tant pis pour vous, parce que c'est très exceptionnel sur notre région, mais c'est complet. Alors, vous pouvez aller aux initiations, c'est de 16h à 18h à la salle Alain Cormeau du côté de Main-sur-Loire, et vous pourrez ainsi danser tout de même un petit peu. Sinon, vous pouvez aller à un stage de danse d'Angleterre, Balkans et autres pays. C'est du côté de Blois, également ce 7 février. Et puis, bal folk à Bléré, c'est dans l'Indre-et-Loire. Bal Renaissance en Indre-et-Loire, c'est à Tours. Et bal folk le dimanche 8 février à Saint-Julien-de-Chédon dans le Loir-et-Cher. Également un bal folk, mais c'est un petit peu plus loin, dans le Cher, à Soulangis. Vendredi 13 à Orléans, atelier de danse trad à 22h30, c'est à la Maison des Provinces. Samedi 14, du côté de Viglin, le bal des familles avec des fourmis dans les pieds à 17h pour les familles, donc avec les enfants. Et à 20h30, bal folk, toujours à Viglin avec PAMH, voilà, je ne connais pas, et Décibal. Bal folk également le samedi 14 à Gif-sur-Yvette en Essonne. Bal à 19h avec Rémi Geffroy, on le retrouve, et Queer en bal. Voilà, si vous l'avez raté à Main-sur-Loire et que vous voulez aller à Gif-sur-Yvette, eh bien renseignez-vous, parce que là aussi ça risque d'être assez rapidement complet. On va terminer le mercredi 18. C'est pratiquement à l'heure de l'émission. C'est juste après. Voilà, vous écoutez l'émission et ensuite vous filez au Dropkick pour une session irlandaise, mercredi 18 février. Et voilà, donc c'était. Voilà, ça fait un petit moment que je parle dans le vide et qu'il y a un beau plan à l'antenne. Je vous disais donc que c'était la fin de cette émission et qu'on allait la terminer avec une mazurka, une très jolie mazurka proposée en version sextette par la formation Cabane. C'est la mazurka des Tourterelles. J'espère que vous avez passé un agréable moment à l'écoute de cette émission avec ces petites imperfections. Voilà, c'est le direct. Et puis voilà, dans quelques temps je vous parlerai d'une petite surprise qui aura lieu au mois de mars, mais en attendant, voici pour se quitter la formation Cabane. Excellente soirée à vous et à très bientôt. Thank you. c'était traditionnel sur le 96.2. J'espère que vous avez passé une heure agréable. Je vous laisse en compagnie des programmes de RDP International. Alguns presidentes de junta que escutamos nesta edição às seis pedem ajuda para reconstruir casas e outras estruturas. Falta mão de obra e materiais de construção. Uma semana depois, ainda há localidades isoladas e sem alguns serviços essenciais como água, luz e comunicações. Notícias às seis da tarde na Antena 1.